Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une émission dédiée à la création sonore et aux musiques qu'on qualifie parfois d'inclassables, mais qui sont à tout coup merveilleuses. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver sur les ondes de CKRL 89.1, qu'on retrouve aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Je vous présente aujourd'hui un label d'origine belge qui a pour nom Aposiopèse, une plateforme qui diffuse des projets originaux d'expérimentation sonore et musicale réalisés par des artistes qui fréquentent le monde sonore par le truchement d'instrumentation musicale, de captation sur le terrain et de manipulation, bon, numérique, analogique probablement aussi, bref, un label très intéressant. Et c'est le hasard des communications qui m'a mené à la rencontre de Pierre Judon, que je salue en passant, qui coordonne et anime maintenant ce label qui a ses ancrages à Bruxelles, commune de Saint-Gilles pour ceux qui connaissent Bruxelles, et en France depuis la commune de Ahuillé, région Pays de la Loire. Mais avant d'aller plus loin, un peu de sémantique tout de même à propos du nom de ce label, Aposiopèse, dont la définition se présente à peu près comme suit. Aposiopèse, figure de rhétorique ou encore de style qui consiste en une interruption brusque du discours pour traduire une émotion, une hésitation, un changement de ton. En termes simples, on pourrait dire que l'aposiopèse est l'art de couper court à un sujet de conversation pour en aborder un autre. Dans l'univers des arts sonores, on pourrait peut-être dire que l'aposiopèse consiste à terminer une plage ou une séquence sonore de manière abrupte pour entamer la suivante. Il n'y aurait pas de fondu, pas de terminaison en douce. Bon, une hypothèse théorique, disons. En tout cas, pour ce soir, Aposiopèse, c'est un label franco-belge sans but lucratif. Bon, en marche depuis 2005, ce serait cette année le 20e anniversaire, probablement. Donc, label spécialisé dans les arts sonores et les musiques expérimentales. Le label diffuse des artistes à l'occasion, en collaboration avec des diffuseurs spécialisés, dont les ateliers Classe en Belgique et le lieu multiple en France. Bon, ils sont en région Val-de-Loire. Aposiopèse compte une quinzaine de parutions depuis sa création, regroupant une dizaine d'artistes sonores et musiciens intéressés, passionnés par les nouvelles avenues de l'expérimentation, qu'on diffuse via le disque, vinyle, le CD ou encore sur support numérique via le web. Je vais donc ce soir vous faire entendre quelques-unes des artistes associés au label Aposiopèse, des artistes qui fréquentent la culture musicale, certes, mais aussi le terrain du sonore par la capacité en direct et, bon, je le disais, la manipulation phonographique. Et je lance la soirée avec un projet qui illustre à merveille le label, une création d'Hervé Moir intitulée « Mirage de la Loire », un projet créé en 2008-2009. Bon, c'est une œuvre sonore réalisée à partir de captations sur la Loire dans un lieu sauvage près de Loudon, à quelques kilomètres de Nantes, dit-on. Et cette pièce, raconte Hervé Moir, reflète l'état de son imagination stimulée par les sons du lieu. Hervé Moir est un musicien, compositeur français, autodidacte, qui exploite le potentiel sonore issu des enregistrements de terrain. Objets divers, guitare, basse, percussions, accompagnent tout ça pour créer des paysages sonores. Alors, je vous propose l'écoute d'un extrait de ce projet intitulé « Mirage de Loire ». C'est de l'artiste Hervé Moir. Alors, c'était Mirage de Loire, du compositeur, musicien et artiste sonore associé notamment au label Aposiopèse, label dont je vous présente ce soir quelques-uns des artistes qui y sont associés, certains depuis plusieurs années. Et c'est le cas de Thomas Tilly, artiste sonore, musicien, qui utilise, dit-on, tous les outils de captation du son comme des moyens d'écriture et de révélateur. Le microphone et le haut-parleur constituent ses principaux instruments de création, création qui emprunte autant à la recherche musicale, expérimentale que scientifique, tout ça dans une perspective où l'écoute reste centrale. À ce sujet, Tilly souligne que son travail sur le terrain reste une part importante du processus nécessitant des phases d'écoute, d'observation, puis d'enregistrement. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance, Thomas Tilly, on écoute des extraits d'un projet intitulé Script Geometry, fruit d'une résidence élargie entre les diffuseurs Confort Moderne, Jazz à Poitiers et Le Lieu Multiple. Il s'agit d'un projet qui aborde les environnements sonores naturels comme des ensembles connectés, complexes, dans lesquels l'oreille humaine trouvera une analogie étonnante avec la musique électronique. J'ouvre les guillemets, Script Geometry propose une écoute sensible et engagée de phénomènes sonores inattendus, raconte Tilly, affirmant la subjectivité de la pratique du microphone comme le véhicule d'une forme de musique expérimentale. Je referme les guillemets. Vraiment très intéressant comme approche. Alors, on écoute un extrait, une création intitulée Crossroad Nodes. C'est les 8 dernières minutes de cette longue pièce. Alors, vous allez voir, c'est plutôt foisonnant sur le plan sonore. On écoute ça. Alors, c'était Thomas Tilly, un extrait du projet Script Geometry qu'on retrouve sur la plateforme et label Aposiopèse, un label franco-belge au service des musiques d'expérimentation et des arts sonores. Vous écoutez L'Accroche-Oreille sur CKRL 89.1 à Québec. On complète la demi avec une création de Tomoko Sauvage. C'est une musicienne et artiste sonore japonaise installée à Paris qui a bidouillé un synthétiseur en utilisant des hydrophones ou encore microphones sous-marins, si vous voulez, qui sont immergés dans des bols en porcelaine de différentes tailles remplis d'eau. Alors, on raconte dans la documentation que Tomoko Sauvage exploite les vagues et les gouttes d'eau qui résonnent dans les bols en utilisant notamment le feedback audio qui crée, dit-elle, des bourdonnements ondulants et des harmoniques naturelles. Vous allez voir, c'est très intéressant à l'écoute. Écoute d'une création tirée de l'album intitulé « Ombrophilia ». Ça s'intitule « Raindrop Exercise ». Alors voilà, on écoute ça, Tomoko Sauvage. Thank you. Eh bien voilà ce qui complète la première demi de l'émission. Restez des nôtres. On poursuit l'incursion dans l'univers sonore du label Aposiopèse, label franco-belge. Alors on se rend à la pause avec une création de Tomoko Sauvage. Alors à tout de suite. Écoutez, c'est KRL. Radio. Vous écoutez? La croche oreille. Vous Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL et sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute quand ça vous tente. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Et on poursuit ce bref survol du label Aposiopèse, un label franco-belge qui est actif depuis 2005 et qui fréquente assidûment les arts sonores et les musiques expérimentales. Le label regroupe une dizaine d'artistes sonores, musiciens intéressés, passionnés par les nouvelles avenues de l'expérimentation qu'on diffuse via le disque vinyle, le CD et le support numérique, évidemment. Les approches sont assez diversifiées, faisant la part belle aux travaux inspirés du field recording et aux œuvres à teneur électroacoustique. Bon, à l'écoute de la première demi, vous avez, je pense, une bonne idée. Je vous propose qu'on écoute cette fois une création de Jean-Luc Guionnet qu'on retrouve sur le label, une création tirée d'un album intitulé « Tournure 16 ». Tournure 16 orchestrale, c'est le titre d'album. Guionnet raconte qu'il s'agit d'un faux journal intime de l'année 2015, une véritable concentration, dit-il, de souvenirs de cette année-là, dont la hiérarchie, l'agencement et les liens sont tissés de manière aléatoire. L'idée de construire une forme sonore en jouant avec les souvenirs me hantait, dit-il, depuis quelque temps, comme si l'on pouvait déposer des vestiges du passé, tels des paris sur le tapis vert d'un casino, des formes misées sur hier pour demain, façonner une sorte de body sonore, fétiche rêvé, fantasmé, une forme à venir, point d'interrogation, finalement, tournure cesse, n'est rien de tout cela, dit-il. Jean-Luc Guionnet est un saxophoniste qui exerce mille talents, illustrateur, théoricien, électroacousticien, organiste et artiste sonore. On écoute une création tirée du projet Tournure 16. C'est de l'album Tournure 16 orchestral. Alors, on écoute un extrait. Thank you. C'était Jean-Luc Guillonnet, un extrait du projet intitulé Tournure 16 qu'on retrouve sur le label Aposiopès, label dont je vous présente aujourd'hui quelques-uns des artistes associés. Et cette fois, je vous propose un travail récent de Yvan Etienne intitulé Les météores du cœur. Très beau titre. Alors, Yvan Etienne crée des installations sonores et des performances mêlant composition et perception. Son travail explore, dit-on, dans les documents d'accompagnement, les espaces acoustiques et électroniques, la mémoire et la psyché, souvent dans des contextes in situ. Travaillant avec des instruments acoustiques, électroniques ou encore phonographiques, son travail se situe à la croisée de la composition, de la performance et de l'installation. Évoquant des lieux auditifs ou imaginaires, ces installations sonores sondent les processus de perception, de mémoire et de psyché. Une fois cela dit, on plongerait, sans autre commentaire, à l'écoute d'un extrait de ces météores du cœur, dont le titre en dit long sur les lieux imaginaires qu'il nous invite à explorer. On écoute cette fois le lac où dormait un château englouti. On écoute ça. Thank you. On vient d'entendre Yvan Étienne, un extrait de son projet « Les météores du cœur » qu'on retrouve sur le label Aposiopès. Un beau titre de label qui réfère à une figure de rhétorique exprimée par l'interruption brusque du discours, cela traduisant une émotion, une hésitation. Bon, explorez ça sur le web, c'est vraiment intéressant. Donc, pour clore la soirée, on va écouter une piste intitulée 1146. C'est tiré de l'album 1146-901. On fait référence aux heures, évidemment, réalisées tout ça par MHA. Il s'agit de créations composées par Florian Jamelot en 2005, année d'émergence du label Aposiopès. On va y retrouver un mix de voix, de guitare, de basse et d'enregistrement de terrain. Vraiment belle pièce. On écoute ça. Thank you. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir. Vous trouverez la liste des pièces entendues sur le site La Croche-Oreille ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute à votre guise. Grand merci et salutations à Pierre Judon de nous avoir permis la diffusion des œuvres du label Aposiopes que vous retrouverez sur la plateforme Bandcamp notamment. Grand merci également aux artistes, collaborateurs, collaboratrices de nous avoir offert ce très beau travail. Restez des nôtres, Mathieu Johnson s'amène dès 22h avec son rock médium. Cela dit, je vous invite à l'écoute de La Croche-Oreille dimanche prochain dès 21h sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore. Au microphone depuis les studios de CKRL dans Limoilou, ville de Québec, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.